Les éditions de l'avenir présentent le PC Show avec Paul Courtemèche. J'achève. Pour une fois qu'on me confie un sujet de chronique facile. Le chat. Bon, évidemment, Picard voudra lire la chose et apposer son sceau avant que je ne l'envoie au journal. Mais ça fait tout de même changement d'un sujet comme la dentelle. Encore quelques mots et... voilà. Point final, j'ai terminé. Non. Non, non, non, non, non. Non. Du calme, mon petit Paul. Réfléchissons. L'ordi s'est craché. Soit. Mais il y a sûrement moyen de ressusciter. Peut-être si j'appuie à nouveau sur le bouton de mise en marche. Non! Quoi d'autre? Ah! Je vais débrancher quelques minutes. Oui, ça fonctionne parfois. C'est fait. Aïe aïe! Remords! Ce qui se passe, c'est ce remords d'ordi qui s'est craché au moment même où je venais de terminer ma chronique, remords. Que je le décrache! C'est ce que j'essaie de faire, qu'est-ce que tu crois? Tu t'imagines peut-être que j'ai plongé sous mon bureau pour le simple plaisir de mettre mon nez dans le nid de poils et de poussière qui s'accumule là-dessous, toi? Faire du ménage. J'haïs ça, faire du ménage. Et puis, tu n'as qu'une pas laisser traîner tes poils partout. C'est ça. Grommelle tant que tu veux. Moi, j'y retourne. Ça doit bien faire assez longtemps que t'es débranché, ce roman d'ordi. Ok, il est branché. Et maintenant, le moment de vérité. Voyons si je redémarre. Rien? Rien, remords de Camelot. Je vais te montrer, moi. Qu'est-ce que je viens de faire, là? Et ma chronique est dessus. J'espère que je n'ai attrapé personne au passage. Oui, tu as raison. Il vaut mieux que je vérifie. C'était Center Center de Christian Martin, interprété par Kael. Et maintenant, une page de pub. Avez-vous mal au foie? Vous faites-vous de la bile? Eh bien, réjouissez-vous! Avec Rose Yerk, tous vos soucis gastriques sont terminés! Soulagement absolument garanti! Si vous souffrez toujours de l'estomac après 48 heures, consultez un médecin. Oh, c'est qu'il est lourd, hein? Je n'aurais pas cru ça de lui. Et il n'a pas l'air aussi massif avec son béret, sa bébé et son rendormez-vous. Nous posons-le sur le canapé. Voilà. Évidemment, c'est sur lui que mon ordi devait tomber. Ouais, tu as raison, Picard. Ça aurait pu être pire. Madame Coudon, par exemple. Oh, nom de Zeus! Le du monde! Vite, camouflez mon témoin. Mais où? J'arrive! Allez, oust! Je le bascule.